Ce panneau indique la position d'un poste de carburant assurant le ravitaillement en essence sans plomb et en gaz de pétrole liquéfié, GPL.